Le père Goriot, d'Honoré de Balzac. Feuilleton en 10 épisodes. Adaptation et réalisation, Cédric Ossir. 9e épisode. Vautrin a été identifié puis arrêté par la police. De son côté, le père Goriot conduit Rastignac dans son futur appartement de garçon, arrangé par Delphine, et pour lequel il a dépensé ses dernières économies. Par ailleurs, Rastignac a réussi à obtenir de sa cousine, Madame de Beauséant, une invitation pour Delphine au bal où se rendra sa sœur, Madame de Resto, afin de dissiper de terribles soupçons. Le lendemain, le père Goriot et Rastignac n'attendaient plus que le bon vouloir d'un commissionnaire pour partir de la pension bourgeoise, quand vers midi, le bruit d'un équipage qui s'arrêtait précisément à la porte de la maison Vauquert retentit dans la rue Neuve-Sainte-Geneviève. Madame de Nucingen descendit de sa voiture et monta lestement l'escalier. Eugène se trouvait chez lui. Il voulut voir s'il n'y oubliait rien avant de partir, et il s'applaudit d'avoir eu cette pensée en voyant dans le tiroir de sa table la lettre de change souscrite à Vautrin qu'il avait insouciamment jetée là le jour où il l'avait acquittée. N'ayant pas de feu, il allait la déchirer en petits morceaux quand il reconnut la voix de Delphine. Dès les premiers mots, il trouva la conversation entre le père et la fille trop intéressante pour ne pas l'écouter. « Ah, mon père, Nucingen est venu ce matin chez moi pour me demander si je voulais sa ruine et la mienne. Il m'a mise au fait de ses affaires. Il a jeté tous ses capitaux et les miens dans des entreprises à peine commencées, pour lesquelles il a fallu mettre de grandes sommes en dehors. Si je le forçais à me représenter ma dot, il sera obligé de déposer son bilan. Mon cher père, il était sincère. Il m'a effrayée. Il m'a demandé pardon de sa conduite. Il m'a rendu ma liberté, m'a permis de me conduire à ma guise à la condition de le laisser entièrement maître de gérer les affaires sous mon nom. Il avait perdu la tête. Il parlait de se tuer, il délirait. Il m'avait pitié. Et tu crois à ces sornettes ? Ton mari t'abuse. L'argent, c'est la vie. Monnaie fait tout. Que nous chante-t-il donc, cette grosse souche d'Alsaciens ? Delphine, ne fais pas une concession d'un quart de liard à cette grosse bête. Ah, allons, partons. Je veux aller tout voir. Les livres, les affaires, la caisse, la correspondance. À l'instant. Non, laissez-moi faire. Je saurai le manœuvrer. Il m'aime. Eh bien, je me servirai de mon empire sur lui pour l'amener à me placer promptement quelques capitaux en propriété. Seulement, venez demain pour examiner ses livres. Ah non, non, non. Ne venez pas demain. Le bal de Madame de Beauséant a lieu après-demain. Je veux me soigner pour y être belle et faire honneur à mon cher Eugène. Allons donc voir s'il est dans sa chambre. En ce moment, une voiture s'arrêta dans la rue Neuve-Sainte-Geneviève et l'on entendit dans l'escalier la voix de Madame de Resto qui disait à Sylvie... Cette circonstance sauva heureusement Eugène qui méditait déjà de se jeter sur son lit et de feindre d'y dormir. Bonjour mon père. Ah, te voilà Delphine. Bonjour Nassie. Trouves-tu donc ma présence extraordinaire? Je vois mon père tous les jours, moi. Ne me taquine pas Delphine. Je suis bien malheureuse. Je suis perdue mon pauvre père. Qu'as-tu Nassie? Dis-nous tout mon enfant. Il y a quelque temps... Vous souvenez-vous de cette lettre de change de Maxime? Oui. Eh bien, ce n'était pas la première. Il m'a dit qu'il devait 100 000 francs. Je suis devenue folle. Je les ai trouvés en portant chez cet usurier que vous connaissez, un homme fabriqué par l'enfer, ce monsieur Gobseck, les diamants de famille auxquels tient tant monsieur de Resto. Je les ai vendus. Vendus? Comprenez-vous? Il a été sauvé, mais moi, je suis morte. Resto a tout su. Par qui? Comment? Que je le tue? Hier, il m'a fait appeler dans sa chambre. Anastasie? M'a-t-il dit d'une voix. Où sont vos diamants? Chez moi? Non, m'a-t-il dit. Ils sont là, sur ma commode. Et il m'a montré l'écrin qu'il avait couvert de son mouchoir. Oh. Vous savez d'où ils viennent? M'a-t-il dit. J'assassinerai cet homme. Enfin, il m'a regardé. Anastasie répondait « Ai-je un enfant à moi ?» J'ai dit « Oui. Lequel » a-t-il demandé. « Ernest, notre aîné. Bien, a-t-il dit. Vous signerez la vente de vos biens quand je vous le demanderai. Ne signe pas. Ne signe jamais cela. Mon père. Oh, mes enfants. Voilà donc votre vie. Mais c'est ma mort. Que deviendrez-vous donc quand je ne serai plus là? Mes chers anges, quoi, je voudrais prendre vos peines, souffrir pour vous. Ah, quand vous étiez petite, vous étiez bien heureuse. Nous n'avons eu que ce temps-là de bon. Mon père, ce n'est pas tout. Les diamants n'ont pas été vendus 100 000 francs. Comment ? Maxime est poursuivi. Il m'a promis d'être sage, de ne plus jouer. Faites qu'au moins Maxime soit libre et puisse demeurer dans le monde où il saura se faire une position. Maintenant, il ne me doit pas que le bonheur. Nous avons des enfants qui seraient sans fortune. Tout sera perdu s'il est emprisonné à Sainte-Pélagie. Je n'ai plus rien, Nassy, plus rien. C'est la fin du monde. Enfin, je n'ai plus que 1200 francs de rente viagère. Qu'avez-vous donc fait de vos rentes perpétuelles? Je les ai vendues, en me réservant ce petit bout de revenu pour mes besoins. Il me fallait 12 000 francs pour arranger un appartement à Fifine. Je devine. Pour monsieur de Rastignac, hein. Ma pauvre Delphine, arrête-toi. Vois où j'en suis. Ma chère, monsieur de Rastignac est un jeune homme incapable de ruiner sa maîtresse. Merci, Delphine. Dans la crise où je me trouve, j'attendais mieux de toi. Tu ne m'as jamais aimée. Comment t'es-tu comportée envers moi? Tu m'as reniée. Tu m'as fait fermer les portes de toutes les maisons où je souhaitais aller. Et moi, suis-je venue comme toi, soutirer à ce pauvre père 1 000 francs à 1 000 francs et le réduire dans l'état où il est? Mais tu étais plus heureuse que moi. Monsieur de Marseille était riche. Tu en sais quelque chose? Adieu. Je n'ai ni sœur. Mes enfants, taisez-vous! Ou je me tue devant vous! Va, Nassy. Je te pardonne, tu es malheureuse. Mais je suis meilleure que tu ne l'es. Ceci est digne de tout ce que tu as commis de mal contre moi depuis 9 ans. Mes enfants, embrassez-vous. Vous êtes 2 anges. Non, laissez-moi. Elle a moins de pitié pour moi que n'en aurait mon mari. J'aime encore mieux passer pour devoir de l'argent à monsieur de Marseille que d'avouer que monsieur de Trailles me coûte plus de 200 000 francs. Delphine, tu es une... Je n'ai plus qu'à mourir. Oh, ma tête, elle boue. Mais papa, soyez donc raisonnable. Eugène, épouvanté, prit la lettre de change souscrite à Vautrin et dont le timbre comportait une plus forte somme. Il en corrigea le chiffre, en fit une lettre de change régulière de 12 000 francs à l'ordre de Goriot et entra. Voici tout votre argent, madame. Je dormais, votre conversation m'a réveillé, j'ai pu ainsi savoir ce que je devais à monsieur Goriot. En voici le titre que vous pouvez négocier, je la quitterai fidèlement. Comment ? Monsieur de Rastignac était là ? Delphine, tu as eu la petitesse de te venger en me laissant lui livrer mes secrets, ma vie, celle de mes enfants, ma honte, mon honneur ? Va, tu ne m'es plus rien. Je te hais, je te ferai tout le mal possible, je... Mais c'est notre fils, notre enfant, ton frère, ton sauveur, mais embrasse-le donc, Nassy ! Ce n'est pas un homme, mais un ange. Un véritable ange. Laissez-la, mon père. Elle est folle en ce moment. Folle ? Folle ? Et toi ? Qu'es-tu ? La comtesse de Restaud regarda Eugène, qui restait immobile, abasourdi par la violence de cette scène, et quitta la chambre. Mes enfants, je meurs si vous continuez. Elle me tue. Madame, je paierai, je me tairai. Mais qu'avez-vous ? Rien, rien. Ça passera une migraine. Oh, pauvre Nassy, quel avenir. Pardon, mon père. Alors, tu me fais encore plus de mal maintenant. Monsieur, la douleur m'a rendu injuste. Vous serez un frère pour moi. Eugène lui tendit la lettre de change. Eh bien, Nassy, cette lettre de change te sauvera-t-elle ? Je l'espère. Nassy, envoie-moi dire que tu es hors de peine. Va vite, mon enfant, et fais que Maxime devienne sage. Eugène était stupéfait. Cette pauvre Anastasie a toujours été violente, mais elle a bon cœur. Méfiez-vous d'elle. Elle n'est restée que pour la lettre de change. Vous croyez ? Je voudrais ne pas le croire. Comment allez-vous, mon bon père Goriot? J'ai envie de dormir. Eugène accompagna Delphine jusque chez elle. Mais, inquiet de l'état dans lequel il avait laissé Goriot, il refusa de dîner avec elle et revint à la maison Vauquer. Il trouva le père Goriot debout et prêt à s'attabler. Bianchon s'était mis de manière à bien examiner la figure du vermicellier. Il est flambé. Il a dû se passer quelque chose d'extraordinaire en lui. Il me semble être sous le poids d'une apoplexie séreuse imminente. Y aura-t-il quelques remèdes? Non, aucun. Si demain soir les symptômes ne cessent pas, le pauvre bonhomme est perdu. Le soir, aux Italiens, Rastignac prit quelques précautions afin de ne pas trop alarmer Madame de Nucingen. Eugène, vous ne savez donc pas ce qui se passe? Tout Paris sera demain chez votre cousine Madame de Beauséant. Les Rochefide et le marquis d'Ajuda se sont entendus pour ne rien ébruiter. Mais le roi signe demain le contrat de mariage. Et votre pauvre cousine ne sait rien encore. Elle ne pourra pas se dispenser de recevoir, et le marquis ne sera pas à son bal. On ne s'entretient que de cette aventure. Et le monde se rit d'une infamie, et il y trempe. Tout Paris viendra chez elle, et j'y serai. Je vous dois ce bonheur-là, pourtant. Mais n'est-ce pas un de ces bruits absurdes, comme on en fait tant courir à Paris? Nous saurons la vérité demain. Eugène ne rentra pas à la maison Vauquer. Il ne put se résoudre à ne pas jouir de son nouvel appartement. Il dormit le lendemain assez tard, attendit vers midi Madame de Nucingen qui vint déjeuner avec lui. Les jeunes gens sont si avides de ces jolis bonheurs qu'il avait presque oublié le père Goriot. Cependant, vers 4 heures, les deux amants pensèrent à lui en songeant au bonheur qu'il se promettait à venir demeurer dans cette maison. Eugène fit observer qu'il était nécessaire d'y transporter promptement le bonhomme et quitta Delphine pour courir à la maison Vauquer. Ni le père Goriot, ni Bianchon n'étaient à table. Hé, hey, monsieur Eugène! Monsieur Eugène, madame vous appelle. Monsieur Goriot et vous deviez sortir le 15 de février. Voici 3 jours que le 15 est passé. Il faudra me payer 1 mois pour vous et pour lui. Mais votre parole me suffira. Pourquoi? N'avez-vous pas confiance? Confiance? Si le bonhomme n'avait plus sa tête et mourait, ses filles ne me donneraient pas un liard. Il a emporté ce matin ses derniers couverts, je ne sais pourquoi. Je réponds de tout. Il monta chez le père Goriot. Le vieillard gisait sur son lit et Bianchon était auprès de lui. Comment va-t-elle? Bien. Et vous? Pas mal. Elle ne fatigue pas. Eh bien, ne peut être sauvée que par un miracle. La congestion séreuse a eu lieu, il a les synapismes. Bon, heureusement, il les sent, ils agissent. Peut-on le transporter? Impossible. Il faut le laisser là, lui éviter tout mouvement physique et toute émotion. Mon bon Bianchon, nous le soignerons à nous deux. Malheureusement, ce fichu bonhomme a commis ce matin une imprudence sur laquelle il ne veut pas s'expliquer. Il est sorti vers le matin, il a été à pied dans Paris, on ne sait où. Une de ses filles est venue. La comtesse? Une grande brune? Oui. Laisse-moi seul un moment avec lui. Je vais le confesser. Il me dira tout à moi. Je vais aller dîner pendant ce temps-là. Seulement, tâche de ne pas trop l'agiter. Sois tranquille. Eugène, mes filles s'amuseront bien demain. Elles vont à un grand bal. Qu'avez-vous donc fait ce matin, papa, pour être si souffrant ce soir? Oh, rien. Anastasie est venue? Oui. Eh bien, ne me cachez rien. Que vous a-t-elle encore demandé? Elle était bien malheureuse. Nassie avait commandé pour ce bal une robe lamée qui doit lui aller comme un bijou. Sa couturière n'a pas voulu lui faire crédit. Pauvre Nassie, ça m'a déchiré le cœur. Son mari veut qu'elle aille à ce bal pour montrer à tout Paris les diamants qu'on prétend vendus par elle. Peut-elle dire à ce monstre, je dois 1000 francs, payez-les? Non, j'ai compris ça, moi.

n'en abandonner aucune. Elle lui prit le bras et le mena dans le salon où l'on jouait. Allez chez le marquis. Jacques, mon valet de chambre, vous y conduira et vous remettra une lettre pour lui. Je lui demande ma correspondance. Il vous la remettra tout entière, enfin, j'aime à le croire. Si vous avez mes lettres, montez dans ma chambre. On me préviendra. Elle se leva pour aller au devant de la duchesse de Langeais, sa meilleure amie, qui venait aussi. Rastignac partit et fit demander le marquis d'Ajuda à l'hôtel de Rochefide, où il le trouva. Le marquis l'emmena chez lui, remit une boîte à l'étudiant et lui dit « Elles y sont toutes ». Eugène revint à l'hôtel de Beauséant et fut introduit dans la chambre de la vicomtesse où il vit les apprêts d'un départ. Il s'assit auprès du feu, regarda la cassette en cèdre et tomba dans une profonde mélancolie. Ah, mon ami. Il aperçut sa cousine en pleurs, les yeux levés. Elle prit tout à coup la boîte, la plaça dans le feu et la vit brûler. Ils dansent. Ils sont venus tous bien exactement, tandis que la mort viendra tard. Mais... Chut. Mon ami, je ne verrai plus jamais ni Paris, ni le monde. À 5h du matin, je vais partir pour aller m'ensevelir au fond de la Normandie. Je penserai souvent à vous, qui m'avez paru bon et noble, jeune et candide au milieu de ce monde où ces qualités sont si rares. Madame de Nucingen est fort bien ce soir. Aimez-la bien. Si nous ne nous voyons plus, mon ami, soyez sûr que je ferai des vœux pour vous, qui avez été bon pour moi. Bon, descendons. Je ne veux pas leur laisser croire que je pleure. J'ai l'éternité devant moi. J'y serai seule. Personne ne m'y demandera compte de mes larmes. Rastignac n'avait pas encore senti d'émotion aussi violente que fut le contact de cette douleur si noblement contenue. En rentrant dans le bal, Eugène en fit le tour avec Madame de Beauséant. Dernière et délicate attention de cette gracieuse femme. Bientôt, il aperçut les deux sœurs, Madame de Restaud et Madame de Nucingen. La comtesse était magnifique avec tous ses diamants étalés qui, pour elle, étaient brûlants, sans doute. Elle les portait pour la dernière fois. Ce spectacle n'était pas de nature à rendre les pensées de Rastignac moins tristes. Il revit alors, sous les diamants des deux sœurs, le grabat sur lequel gisait le père Goriot. Comment trouvez-vous Nassy ? Elle a escompté jusqu'à la mort de son père. Rastignac s'en alla vers 5h, après avoir vu Madame de Beauséant dans sa berline de voyage, après avoir reçu son dernier adieu mouillé de larmes qui prouvait que les personnes les plus élevées ne sont pas mises hors de la loi du cœur et ne vivent pas sans chagrin. Eugène revint à pied vers la maison Vauquer par un temps humide et froid. Son éducation s'achevait. Le père Goriot d'Honoré de Balzac. Adaptation Cédric Ossire. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. 9e épisode avec Michel Vuillermoz, Lionel Lingelser, Jean-Claude Frissung, Marie Crémer, Pauline Chevillé, Marie-Sophie Ferdane, Léo Dussolier, Christine Murillo, Françoise Gaziot et Grégoire Mont-Saint-Jean. Bruitage, Élodie Fiat. Musique originale, Manuel Pesquine. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Victoria Asper. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire.